Je la connais pas celle-là, je l'ai pas encore apprise. Ah, décidément, je suis mauvais, pardon. Une allumette, un petit briquet, c'est bien plus chouette. La flamme, c'est de la réglable. Et petite pression sur le bouton. Allez, la mon porte-monnaie, il allait la casser, on peut plus le recommander. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon porte-monnaie. Il a les reins cassés, on peut plus le recommander. Mets ta main sur ça, mets ta main sur ça, mets ta main sur sa canard et tu verras comme il est bien. Mets ta main sur ça, mets ta main sur ça. Trop vite. Bon, c'est pas grave. Ils sont à la rigoler, elle a tué son bichon à l'église. Avec la femme à l'échon à la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. On est sur phase 3.